Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter La baguette magique, une histoire que j'ai écrite. Bonne écoute. Dimanche, 7h du matin. Dans une petite chambre, une couette remue. Un petit bras en surgit, tâtonne, fait tomber le réveil posé sur la table de chevet et allume la lumière. Tim émerge, s'étire et bâille bruyamment. 7h01, trop tôt pour aller voir ses parents. Il risquerait de réveiller des dragons. Trop tôt aussi pour regarder ses dessins animés préférés. La couette rabattue sur les genoux, Tim contemple sa chambre pour trouver une occupation. Et au beau milieu de son océan de jouets, il le voit. Un tas de briques échouées autour d'un château inachevé. Tim saute de son lit, ouvre les rideaux et se jette sur son projet de construction. 8h05. Le château s'est transformé en une tour géante et biscornue, truffée de pièges et de monstres. Seul le grand ninja rouge a osé y pénétrer. Il n'a fait qu'une bouchée du rez-de-chaussée. Mais alors qu'il atteint l'escalier qui va le mener au premier étage, un monstre, mi-ours, mi-poulpe, surgit. Absorbé par le combat, Tim ne voit pas une imposante silhouette se glisser dans l'encadrement de la porte de sa chambre. Tim ! Paniqué, Tim sursaute. La tour tangue, le ninja rouge valse sur le lit, l'ours poulpe s'écrase avec fracas contre le mur. Son père pouffe. Tim le regarde l'air perdu. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?»« L'heure est grave, fiston, et il n'y a que toi qui peux nous sauver. Es-tu prêt à relever une grande, une incroyable, une formidable mission ?» Tim fixe son père et se met au garde à vous. Il n'a aucune hésitation. « Je suis plus que prêt. Quelle est la mission, papa ?» Nous n'avons pas de pain pour le petit-déj, et c'est à toi d'aller le chercher. Tout seul ? Tout seul. Pour de vrai ? Pour de vrai. Jamais on ne lui avait donné une telle mission. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu grand ? Après tout, il est en CE1 maintenant. Tim bondit de joie, se précipite pour sortir de sa chambre, mais son père lui barre la route. Hé, plat, soldat, tu ne vas pas sortir en pyjama quand même ! Mets ta tenue de combat et rejoins-moi devant la porte d'entrée. » En une fraction de seconde, Tim enlève son pyjama, saute dans un slip, met ses chaussettes n'importe comment, enfile son jogging à l'envers et un t-shirt de travers. Il fonce voir son père qui lève un sourcil en voyant l'accoutrement de son fils. « La tenue n'est pas vraiment réglementaire, mais ça ira pour cette fois. » Il farfouille dans un pot débordant de pièces et en sort une de 2 euros qu'il tend à Tim de manière solennelle. « Ramène-nous une baguette bien croustillante. Et avec la monnaie, achète-toi des bonbons. » Tim regarde son père, puis la pièce, puis son père, puis la pièce, puis son père, les yeux brillants, trop excités pour parler. « Un juste paiement pour le grand service que tu nous rends. » D'un geste théâtral, son père ouvre la porte. Tim s'engouffre sur le palier avant de dévaler les 5 étages comme un hippopotame. Dehors, un soleil radieux l'accueille. Un petit frisson le parcourt. Est-ce à cause de l'émotion ou bien parce que le fond de l'air est froid ? Peut-être un peu des deux. La boulangerie est au coin de la rue, à 42 pas de géant exactement. Tim inspire profondément et fonce en mode hyper-vitesse. Il arrive essoufflé. Une vieille dame sort une baguette à la main. Tim rentre timidement. Bonjour jeune homme, qu'est-ce que ce sera ? Jeune homme ? Personne ne l'a jamais appelé comme ça. C'est un signe. Il est vraiment grand maintenant. Même s'il est fier comme un coq, Tim essaye de ne rien laisser paraître. Une baguette bien croustillante, s'il vous plaît. Mais j'ai le droit de m'acheter des bonbons avec la monnaie. Et combien as-tu ? 2 euros. La baguette est à 90 centimes. Combien va-t-il te rester ? La boulangère a l'air d'attendre une réponse. On dirait une énigme pour avoir le droit d'accéder à un trésor. Tim n'avait pas prévu de faire des mathématiques de bon matin, mais il n'a pas le choix. S'il a 2 euros et que la baguette vaut 90 centimes, ça fait 0, 1 et on retient 1 et puis 1. Oui, c'est ça. 1,10 €. En es-tu sûr? Certain. Bravo, c'est exact. Tu peux prendre 1,10 € de bonbons. Fais ton choix. Tim se dirige vers le présentoir à bonbons. Il prend un sachet, une pince et fait son marché. La boulangère pèse sa moisson et sourit. Il y en a pour 1,50 €, mais le supplément, c'est cadeau pour cette fois. Bonne journée, mon garçon. Merci, madame. Passez un bon dimanche. Mission accomplie. Tim n'a plus qu'à rentrer chez lui raconter son exploit. Sur le chemin du retour, il se demande quelle sera sa prochaine mission solo. Aller chez le primeur qui se trouve une rue plus loin, ou même carrément aller faire des grandes courses au supermarché. Une brume verdâtre qui sent, comme doit sentir un vieux slip, le coupe dans sa réflexion. Elle s'échappe d'une plaque d'égout qui siffle comme une cocotte minute. Les quelques passants qui marchaient, tranquillement, fuient en hurlant, les bras levés. Les voitures partent en trombe, les portes des magasins et les volets claquent. Tim se retrouve seul, totalement perdu. Dans un claquement tonitruant, la plaque d'égout saute comme un bouchon de champagne. L'affreuse brume s'épaissit un instant avant de se dissiper. Tim n'ose pas bouger. Dans un silence de mort, un horrible tas de gelée vert électrique s'extirpe mollement de la bouche d'égout avant de prendre la forme d'un monstre grotesque, à l'air franchement idiot. Il bâille si fort que la bouche prend des airs de tunnel criblé de dents marronnasses alignées n'importe comment. Bonbon ! D'un coup, la baguette de pain brille comme un soleil et se transforme en épée. Tim n'en croit pas ses yeux. Le monstre, lui, semble s'en moquer totalement et préfère s'intéresser à un panneau de sens interdit. Bonbon ! Le panneau encaisse un baveux coup de langue verte comme s'il était une sucette géante. Dégoûté, le monstre l'arrache et l'envoie valdinguer sur une pauvre voiture innocente garée quelques mètres plus loin. Pas bonbon ! La vue d'une poubelle colorée lui redonne le sourire. D'un pas mou, il s'avance, la gobe, la mâchonne, fronce drôlement son front gélatineux, puis la recrache dans la vitrine d'une librairie. Pas bonbon ! Tim ne peut pas rester sans rien faire. Il doit renvoyer cette chose d'où elle vient avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Tim pousse un cri qui donne du courage et fonce sur le monstre pour lui asséner un coup fatal. Mais l'épée rebondit sur son corps visqueux. Tim vacille et manque de tomber. Le monstre, lui, lance un regard étonné. Tim en profite pour lui porter un nouveau coup. Mais cette fois-ci, l'épée se retrouve engluée dans la gelée. Pas gentil ! Fripé de colère, le monstre abat un poing rageur sur Tim, qui l'évite d'un cheveu, grâce à un bond prodigieux. Les deux adversaires s'observent, en silence. Soudain, le monstre s'illumine et pointe un index boudiné vers Tim. Bonbon ! N'importe quoi ! Je suis pas un bonbon, moi ! Bonbon ! Le monstre repointe son doigt vers Tim, mais en pointant un peu plus le sol. Son sachet de bonbons est tombé par terre. C'est ça que tu veux ? Oui, bonbon. Si je te les donne, tu t'en vas. Oui. Alors d'accord, tu peux les prendre. Le monstre gigote de joie. Il s'approche, prend le sachet et l'enfourne pour le recracher aussi sec. Pas bonbon. Hein ? Mais ce sont des bonbons, mes préférés en plus. Pas bonbon. Tim regarde son sachet couvert de bave et tout s'éclaire. Je sais, t'as mangé le sac avec. Normal que t'aimes pas. Mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas arriver à les prendre. Je vais t'aider. Tim saisit le sachet baveux du bout des doigts et jette tous ses bonbons dans la gueule du monstre, qui laisse échapper un petit rot suivi d'un sourire béat. Gentil jeune homme. D'une main habile, le monstre retire l'épée coincée dans son ventre et la redonne à Tim, avant de retourner dans les égouts en chantonnant. D'un coup, la rue explose de vie. Tim est tellement surpris qu'il laisse échapper son épée redevenue baguette et son sachet de bonbons à nouveau rempli. De retour chez lui, son père l'accueille avec un grand sourire. « Alors fiston, ta mission s'est bien passée ?»« T'imagines même pas l'aventure que j'ai vécue !» Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu.